commencer la séance cet après-midi et je voulais d'abord me présenter puisque vous ne me connaissez pas et puis j'ai été contactée par Geneviève et je suis comme ça, Sarah Solaire, je suis anthropologue expérienne qui travaille sur l'histoire et l'anthropologie des mines des Andes et sur les questions des techniques et l'histoire des techniques et des circulations de savoir. Et je vous remercie parce que ce matin j'ai appris plein de choses qui me servent pour mon propre travail et que j'ai pu me mettre en relation sur les systèmes de travail qui sont vraiment très. Et sur le problème de pollution. Donc, on va commencer par l'exposé de Philippe Mioche qui va nous présenter une communication qui s'appelle Paysage de l'après-mine en Provence, bon site et limite, approche comparée. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de me présenter et de vous faire une proposition. Alors, me présenter, je suis professeur d'histoire contemporaine à Aix-Marseille Université. Je suis dans la même maison que notre précédente collègue. Voilà. Et puis alors, la proposition, c'est que, écoutez, moi j'ai fait quelque chose avec un nombre relativement limité de diapositives. Mon plan est très clair, hein, ça va être un peu... Vous placer les éléments historiques, faire en second temps quelques remarques sur les systèmes de production, les techniques de production, parce que ça impacte, et puis évidemment arriver sur deux conséquences environnementales importantes à mes yeux. Voilà, donc ça c'est mon plan, c'est très facile à suivre. Moi ce que je vous propose, c'est de, plutôt que de garder vos questions pour la fin de mon exposé, c'est de m'interrompre à tout moment. Hein, plus vivant, puis comme on vient d'horizons différents, il y a des choses qui me paraissent évidentes, parce que je travaille depuis très très longtemps sur ces questions, qui ne le sont peut-être pas, donc vous y allez au fur et à mesure de mon exposé. Donc, je suis parti de deux types d'exploitation minière, hein, la bauxite et la lignite en Provence. Alors, voilà, on va commencer. Par la bauxite. Alors, un petit peu, c'est tout simple. Hein. Vous avez vos repères, là, vous avez Marseille, ça va pour tout le monde. Hein. Non, mais c'est pas évident, je me dis, madame, le sud de la France, c'est peut-être une contrée lointaine. En rouge, vous avez donc les gisements de bauxite. Hein. Et là où il y a des étoiles, c'est en fait là où il y a eu des exploitations dans l'histoire. Hein, moi, j'habite dans un petit village qui est ici. Et j'ai découvert en préparant l'exposé qu'il y avait un gisement de bauxite qui n'a jamais été exploité. Bien. En vérité, il y en a aussi historiquement dans l'Hérault qui a été exploité, mais l'essentiel dans l'histoire de la bauxite, qui est étroitement liée, étroitement dépendante de celle de l'aluminium, c'est la région de Brignoles et Mazaux. Ce sont ces deux bassins-là qui ont été les plus exploités. Vous disant que c'est lié à l'aluminium, tout de suite, et on pourra rebondir, je vous dis évidemment que l'exploitation a commencé vers 1890, grosso modo, hein, c'est-à-dire après la mise au point des deux procédés qui permettent la fabrication de l'aluminium, c'est-à-dire d'une part le procédé Héroux, qui a son homologue aux États-Unis, le procédé Hall, la même année, en 1886, et le procédé Bayer, en 1887, l'année après, qui permet précisément de transformer la bauxite en alumine, laquelle alumine devient elle-même la matière première de l'aluminium par électrolyse. Donc, tout commence dans les années 1890, il y a eu de l'aluminium avant, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, la première exploitation était vraisemblablement du côté de l'Allo. Il y en a une aussi là qui n'apparaît pas. Ah si, pardon, elle est là. Voilà, je vous rappelle ce petit point historique. Ça, c'est des Baux de Provence, hein, au lieu touristique aujourd'hui. En 1821, c'était une ruine, le château des Baux de Provence. Et le fameux chimiste Pierre Berthier descend de son cheval et est intrigué par la couleur du sol. Et c'est là qu'il identifie la bauxite, d'où le nom qui vient de là, Mais l'exploitation industrielle commence dans les années 1890. Il n'y a pas eu d'autre exploitation de bauxite en France à part celle de l'Hérault que je vous ai mentionnée. Jusqu'en 1914, la France était, cette région de France, était considérée comme... on ne savait pas qu'il y en avait partout de la bauxite dans le monde, et c'était donc, concrètement, en 1914, la France était le premier pays exportateur de bauxite, premier pays producteur. D'accord ? Alors, une dernière chose à savoir avant de passer à la diapo d'après, deux choses, vous avez noté les dates. Quand le code minier est mis en place en 1810, chose que vous savez tous, eh ben on ne savait pas que la bauxite, c'était le souci de personne. Hein, je voudrais me rappeler que... Et donc elle ne relève pas du code minier, et vous allez voir, elle va relever du régime des carrières. Seule, attention, je vous le dis tout de suite, jusqu'en 1961, où le Premier ministre Michel Debré fait adopter une réforme du code minier pour y inclure la bauxite. Voilà, alors, tout ça, on va y revenir sur les chronologies, donc je passe tout de suite. Donc, mon idée était à la fois, alors, de partir de l'histoire et de répondre à vos questions. Donc, sur deux domaines miniers, celui de la bauxite là, et le second étant le lignite. Alors, pour vous repérer, de nouveau, voilà Marseille, hein, ici, là, il doit y avoir Aix-en-Provence, là-haut, quelque chose comme ça. Hein. Ce que vous avez là, là par contre, on est dans une exploitation charbonnière, et donc, ça relève évidemment du régime des mines, c'est le bassin minier de Provence. Bassin de minier de Provence qui a été exploité dès le Moyen-Âge. Le Coulet a toujours signalé qu'il y avait des formes d'exploitation. Je suis complètement incompétent pour ces hautes époques. À partir des années 1830, se développe une exploitation industrielle de ce lignite. Le lignite, c'est pas de l'anthracite, c'est un charbon de très mauvaise qualité, hein, qui brûle mal, qui contient beaucoup de soufre, hein, et qu'en vérité, du début de l'exploitation, donc premier tiers du 19e siècle, jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire le 1er février 2003, juste pendant toute cette période, la difficulté principale, ça n'a pas été de l'extraire, ça a été de le vendre, parce qu'il est de mauvaise qualité. Alors, ce que vous avez là, ce sont des différentes concessions. Je ne vais pas vous faire un exposé de géologie. Retenez simplement que les couches plongent d'est en ouest. Pour ceux qui viennent parfois à Aix-en-Provence, vous voyez où est la gare TGV, ex-TGV. Eh bien, la couche est en dessous. Elle va jusqu'à là-bas, mais à une profondeur de toujours plus grande. Hein, les premiers, il y avait des affleurements, il y a eu des exploitations en vent travers, et puis après, on a suivi les veines, hein, qui plongent. Quand l'exploitation s'arrête en 2003, on est à moins 1100. On est à moins 1100, et c'est d'ailleurs un des arguments des ingénieurs de l'entreprise nationale à l'époque, qui était de dire, oh là là, ça devient trop dangereux, il faut arrêter d'exploiter si profond. Alors, donc là, vous voyez les concessions, ça c'est les concessions donc, d'exploitation. Alors celle-ci est très intéressante, pardon, je suis en train de me tromper, c'est celle-ci dont je voulais vous parler, la verte là-haut, c'est la conception du puits de l'Arc. La concession du puits de l'Arc, elle a été concédée, elle n'a jamais été exploitée. Alors, sans faire d'anecdote, il faut quand même que je vous raconte, parce que c'est une aventure formidable. Les concessionnaires ont commencé, et puis ça va nous mettre dans l'ambiance du sujet, les concessionnaires ont commencé à foncer un puits à deux puits en 1906 et en 1908, ils ont commencé, puis le travail s'est déroulé, il y a même un exploitant industriel d'alumine, mais c'est une autre histoire, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler, qui est venu dans la perspective d'utiliser le lignite pour sa fabrication. Et puis, le 9 ou 10 novembre 1918, il fallait faire, hein, il fallait choisir une date pareille, le fonçage tombe sur une poche d'eau, une énorme poche d'eau, qui en fait est une nappe naturelle du relief avoisinant, et l'eau jaillit dans des proportions telles qu'on a renoncé à extraire le lignite, et que l'eau coule toujours aujourd'hui, et qu'elle alimente d'ailleurs des nouvelles activités industrielles. Bien. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que vous voyez, même si ma dernière diapo y reviendra, c'est ça là. Ça, ce trait noir là, c'est la galerie de la mer. La galerie de la mer qui a été réalisée entre le début des années 1890 et elle est achevée en 1905 par les sociétés, je vous passe les noms parce que ça ne sert à rien que vous le reteniez, par les sociétés privées d'exploitation. Son but principal était l'exor. Autrement dit, l'eau qui, comme partout, quand on creuse une mine, remonte, s'écoulait par la galerie de la mer. Mais c'était une réalisation technique de haut niveau, et avec Xavier Valin, on a fait un ouvrage là-dessus, où il a été le premier à montrer les détails. Ça permettait aussi de sortir le charbon, enfin le lignite, et de l'amener à Marseille. Concrètement, vous allez voir une image tout à l'heure, hein, il y avait à la fois donc l'exor et puis un petit train électrique qui sortait le lignite et qui l'amenait au cœur de Marseille, et qui, ce faisant, du coup, a été un point d'appui, un levier évidemment essentiel de l'industrialisation de Marseille, hein, de la seconde industrialisation, parce que c'était ça, ou le charbon anglais, évidemment, beaucoup plus cher. La longueur 14 km. Bien. Est-ce que je vous ai dit l'essentiel ? J'ai pas oublié des choses. Bon, sur les aspects géologiques, je vais y revenir dans un instant. Donc, l'eau. Et vous retenez évidemment que là, le destin de ce minerai, de cette lignée, ça a été d'alimenter l'industrialisation marseillaise, j'ai envie de vous dire, jusqu'aux années 1950. Et puis à partir de 1950, les uns et les autres sont passés à d'autres sources d'énergie, si bien que ce lignite n'a plus trouvé qu'un seul débouché à partir de 1955, la Tronde, qui était la centrale thermique. Autrement dit, fini les chaudières d'usine, fini le chauffage domestique, uniquement l'utilisation dans la centrale thermique de Gardanne, qui a fonctionné donc avec du lignite de Provence jusqu'à sa fermeture en 2003, qui a été à fonctionner de 2003 à nos jours avec du charbon importé, et dont il est dit que le mois prochain, une des tranches fonctionnera à la biomasse, le reste au bois. Je dis, j'attends de voir, parce que c'est évidemment, vous imaginez, une discussion serpent de mer, la tranche à la biomasse. En tout cas, voilà. Ça vous règle le problème. Donc je répète, la bauxite, la diapo précédente, un destin lié à celui de l'aluminium. Le lignite, ici, un destin qui alimente l'industrialisation marseillaise, des grosses usines, hein, des centrales thermiques sur Marseille, mais aussi Saint-Louis Sucre, l'agroalimentaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Jusqu'aux années 1950, où ça devient uniquement une source intermédiaire pour la production d'électricité. Alors, voilà un topo graphique sur les productions. Alors, en vous écoutant ce matin, je me suis dit, non, c'est évident. Il y a une petite différence. Donc, vous voyez, curieusement, les productions se ressemblent assez. Alors du coup, là, je vais servir ce graphique des productions pour vous parler des processus de fermeture. L'apogée pour le bauxite, vous le voyez, est dans les années 60, à la fin des années 60. L'explication est toute simple. À partir du moment où ça n'a plus été dans le régime, dans le code minier, dans le régime des carrières, et que c'est passé au code minier, donc en 1961, je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises propriétaires ont pu rationaliser, mécaniser l'exploitation. Donc il faut vous dire que depuis le début de l'exploitation de la bauxite, dans les années 1890, jusqu'au début des années 1960, l'exploitation était assez, comment vous dire, ça va être enregistré, j'allais dire poétique, folklorique, pour des raisons qui sont fondamentales. C'est que, qui sont les clients de la bauxite? Les grandes entreprises mondiales de l'aluminium. Mais qui sont les marchands? C'est les paysans détenteurs du sol, de la surface. Alors, vous imaginez les difficultés du point d'équilibre et avec quel soulagement les grandes d'aluminium sont parties ailleurs quand il s'est révélé, ce que nous savons maintenant, que le monde en fait dispose de quantités presque infinies de bauxite et que ce gisement-là est un tout petit gisement par rapport à ce qu'on a trouvé d'abord en Jamaïque et puis ailleurs et puis ensuite surtout en Australie. Bien. Alors du coup, c'est tellement vrai ce que je dis que la compagnie qui est devenue progressivement majeure, mais là, je répondrai à vos questions, je ne fais pas un exposé, c'est-à-dire Pechiney, hein, a annoncé en 1973 un plan de 20 ans en disant « Je fermerai en 1993, donc 20 ans avant, au nom de, du fait que... » Alors, au nom de deux faits, d'une part que la bauxite qui venait d'ailleurs était de meilleure qualité, c'est un problème technique qu'on pourra discuter, et surtout qu'elle revenait moins cher, hein, évidemment. Donc, 20 ans auparavant, ils annoncent, et, alors je sais bien que les syndicalistes, évidemment, ont mené le combat contre cette fermeture annoncée, etc. Enfin, moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Et d'ailleurs, ils ont gagné 3 ans, puisqu'ils ont fermé, la dernière exploitation date de 1990. Voilà pour la bauxite. Alors, quant à la lignite, mais vous allez mieux le voir avec le graphique des effectifs. Bon, ben, vous voyez ce que j'ai dit. Hein. Une question. Ah, pardon. Très bien. Claire, vas-y. Tant mieux. Le passage au code minier, est-ce que ça a une incidence sur l'exploitation et sur le droit des paysans? Alors, ça mériterait d'être approfondi pour je ne suis pas totalement maître de la question. Il y a une coïncidence absolue entre les investissements lourds des entreprises d'aluminium et le passage au code minier. Hein, c'est le début des années 60. Avant, les investissements sont très sommaires. Hein. Là, il y a des vrais gros investissements pour... Et d'ailleurs, on le voit, hein, regarde le pic. En une dizaine d'années, la production bondit. Hein. C'est le reflet de gros investissements. Dans les détails, la dialectique entre l'entrée dans le code minier et cette réalité d'un essor d'investissement, ça mériterait d'être approfondi, d'autant plus que bientôt on va parler aussi de l'après-mine pour la bauxite. J'espère que je ne suis pas trop long, je n'ai pas regardé, je ne me suis pas mis. Non, c'est bien. Dites-moi. Bien. Où j'en étais? Oui, donc là, la courbe de droite, hein, elles sont toutes les deux en milliers de tonnes. C'est un petit bassin, hein, par rapport à... j'ai été faire un exposé à Lens, hein, par rapport au Nord-Pas-de-Calais. Enfin, c'est un tout petit bassin, hein, attention. D'ailleurs, on va le voir sur les effectifs, on va aller tout de suite à la diapo d'après. Enfin, vous voyez, là, de 1814, hein, aux années 2000, vous voyez une courbe de la production. Voilà, alors ça, c'est une autre façon de dire la même chose, ce sont les effectifs. Alors, je vous ai mis que les effectifs du lignite, hein, et pas de la bauxite. J'expliquerai pourquoi si vous voulez, mais là, ça nous donne une idée. Hein. Ça nous donne deux idées. Bon, bah, d'abord, évidemment, l'apogée, c'est la bataille de la production, hein, c'est Maurice Thorez, c'est l'immédiate après-guerre, hein, où là, on a 6000 mineurs. Hein, chiffre rond, 6000 mineurs. tout de suite, je peux vous dire, pour la bauxite, l'apogée, c'est 2000. Oh, c'est des tout petits effectifs, hein, c'est peu de choses. 6000 pour la lignite, 2000 pour la bauxite, apogée lignite, bataille de la production, c'est-à-dire 1946, apogée bauxite, c'est 1941. On embauchait assez largement, y compris pour les raisons liées à l'occupation, mais je ne vais pas vous faire cette histoire. Non, ce qu'il y a d'assez inattendu dans l'histoire de la production minière de Provence, vous voyez, c'est le rebond d'effectifs de 1982, c'est le plan de relance charbonnière, hein, le gouvernement Mauroy qui a financé carrément une nouvelle exploitation avec le Carreau Moranda, très moderne, etc. Mais ça dure ce qu'a duré la relance charbonnière et l'effectif a décru. Alors, en vérité, la fermeture a été annoncée une première fois au début des années 60 dans le cadre du plan Jeanneney, puis une deuxième fois vers 1996, quand on a vraiment renoncé à poursuivre l'illusion de l'exploitation, sachant que, dans un premier temps, même chose que pour la bauxite, la cessation a été prévue pour 2005, et puis du fait des difficultés d'exploitation que j'évoquais devant vous tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toujours plus profond, ils ont accéléré et ça a fermé en 2003. Voilà, alors, venons-en à ce chose qui vous intéresse, je suppose. Donc voilà, ça c'est une IHA, pardon, ça veut dire Institut pour l'Histoire de l'Aluminium, je travaille régulièrement avec eux, et évidemment ils m'ont fait le bonheur de me laisser partouiller dans toute leur iconothèque, qui est en fait, ce sont des documents, pas seulement péchinais d'ailleurs, hein, sur l'exploitation de la bauxite. Donc là vous avez compris, c'est pourquoi c'est des carrières. Hein. Pour l'essentiel, hein, les exploitations donc de bauxite ont été réalisées à ciel ouvert, hein, quoi qu'il y en ait deux ou trois en galerie, hein, dont une importante dans les années 70. Mais sinon c'est de la carrière. Alors, ce qu'il faut retenir pour rester dans vos préoccupations, c'est qu'il n'y a pas de terri. Il n'y a pas de terri. On prend la bauxite, on la met dans le camion et on l'envoie à l'usine. Enfin, d'abord, on le mettait dans le wagon, pour être honnête, dans un premier temps. Il y a même une ligne de chemin de fer qui était dédiée à ça, notamment entre Gardanne et Carnoul. Donc, on le mettait dans le train, puis dans le camion, et ça partait à l'usine d'alumine. C'est à l'usine d'alumine, alors celle de Gardanne, ou les deux marseillaises, il y en a eu quatre en tout, bien. C'est à l'usine d'alumine que se faisait la séparation entre l'alumine et l'équivalent des stérides. Et c'est un pour un, c'est-à-dire que on prend 2 tonnes de bauxite, et on en fait 1 tonne d'alumine et 1 tonne de boue rouge ou résidu inerte. D'accord ? Donc c'est une façon de vous expliquer qu'il n'y a pas de terri dans l'exploitation de la bauxite. Puisque vous voyez, on prend la matière première et on l'envoie à l'usine d'alumine. Alors, d'une certaine façon, les terris de la bauxite, ce sont les résidus inertes ou boue rouge, dont le stockage fait l'objet d'une autre histoire et d'autres exposés que je suis prêt à développer en réponse à vos questions. En tout cas, voilà ce que vous devez savoir. Alors évidemment, tout le monde peut avoir l'idée que c'est un peu agressif pour le paysage. Là, on est dans le Var, hein, on est à Combe-Cave, au nord de Brignoles. Bon, c'est une agression paysagère du type carrière. Alors, là, j'ai fait ma petite enquête personnelle, j'ai ressorti mes photos pour vous, je suis allé sur le terrain, et déjà là, je suis évidemment dans le vif du sujet, je crois qu'à peu près, la photo est prise du même point de vue. La première est une photo d'archive, la deuxième, c'est moi qui suis allé concrètement sur le terrain. À peu près sur le même point de vue, je ne peux pas vous garantir, je ne suis pas aussi précis que les archéologues. En tout cas, on va y revenir, hein. Pour l'instant, impacté l'image, si j'ose dire. L'exploitation donc a arrêté entre 1985 et 1990, et j'ai pris cette photo en 2008. Alors là, on passe sur la bauxite, mais je vais revenir, hein, rassurez-vous, sur l'état actuel. On passe sur la lignite. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour la lignite? C'est que, à la différence de la bauxite, tout est souterrain, enfin, à l'époque contemporaine. Tout est souterrain. Là, je vous ai mis une image de la fin de l'exploitation, c'est ce qu'on appelle un soutènement marchand. Superbe machine qui, alors vous avez la haveuse et puis le soutènement avance en même temps que la haveuse, donc c'est une façon de vous faire un clin d'œil. J'ai écouté, j'étais attentif, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, quelle était la consommation de bois des mines du bassin de Provence. En vérité, je n'ai pas de chiffres, mais je ne crois pas que ça ait été si important pour deux raisons. La première raison, c'est que elle est géologique, c'est qu'il y a un toit calcaire très solide. Alors il y a eu des boisements, hein, j'ai vu les images, etc., mais je ne pense pas dans les proportions. Quant à l'exploitation contemporaine, du fait des investissements importants comme celui que vous avez sous les yeux, il n'y avait plus de boisement du tout, hein, avec le soutènement marchand. Bien, mais je vous confesse que je ne pourrais pas vous donner un ratio entre la quantité de lignite extraite et le bois utilisé pour le bois. Ces mines-là, à la différence de celles de nos amis du Nord-Pas-de-Calais, sont beaucoup plus saines. Alors, je vous ai dit, c'est l'envers de la médaille. La matière première est pas bonne. Enfin, elle brûle pas bien, elle dégage du soufre. Donc, elle a d'ailleurs pollué très largement la région marseillaise, puisque ce soufre qui était exploité dans les industries, il est bien arrivé quelque part. Hein. Ça, c'est une chose. Mais avantage de ce sous-sol, avantage naturel, donc il y a d'une part, il y a une dalle calcaire, on est sous le calcaire, et il n'y a pas de grésil. C'est pas des mines grésillées. Donc du coup, il y a eu des accidents, il y a eu son lot d'accidents comme dans toute activité minière, mais moins qu'ailleurs relativement, et seulement de deux natures, il y a eu deux ennemis. Alors ceux qu'on tuait, c'est ce qu'on appelle un claquage de toit, c'est-à-dire que même si je vous ai dit que la dalle calcaire en dessus est plutôt bonne, des fois, tac, et à ce moment-là, il y a un effondrement, il y a des victimes. Et puis sinon, l'autre ennemi, c'est l'eau. L'ennemi, c'est l'eau. Hein. D'où la nécessité précoce d'avoir fait la galerie de l'exor que je vous montrais tout à l'heure. Mais là, il n'y a pas de grisou. Les veines sont assez... La grosse veine fait plus de 2 mètres de hauteur. Hein. Moi, j'ai visité à la fin de l'exploitation, on descendait avec des gros camions, hein, à fond la caisse, dans des galeries. Donc, vous voyez, on est très très loin du mineur couché sur le côté dans le nord de Calais, dans les conditions d'exploitation. Alors, évidemment, par contre, à la différence de la bauxite, il y a des terris. Hein, et sinon, c'est une exploitation, comme toutes les exploitations de charbon, il y a une recette de jour où on trie et on amène les déchets et on fait des terris. Alors, les terris, là, vous avez une cartographie. Alors, toujours pour mon souci que vous ne soyez pas perdu, la ville centrale, maintenant, c'est devenu Gardanne. Hein, donc, Aix est là et Marseille est là, pour que vous ayez les repères spatio-temporels. Ce que vous avez là, les points gris, ce sont les terris. Hein. Les terris issus de 2 siècles d'exploitation, hein. Ces terris historiques. Hein. Alors, je répondrai à des questions, mais voilà l'allure que ça a aujourd'hui. Avec, alors bon, un reboisement total ou relativement partiel. Alors je sais que ça, c'est un débat compliqué. Il y a des grosses études de botanique, des grands savants, pas des historiens, qui étudient ça en ce moment, donc je n'ose pas trop dire ce que type de végétation c'est. Moi, je vous fais simplement une remarque. Bon, d'abord, il y en a, hein, des terris. Mais j'étais à Lens il y a un mois. Évidemment, ça ne fait pas le même effet dans le paysage provençal. vous voyez où ça se fond avec le relief calcaire, hein, qui est juste derrière. Évidemment que quand on sort de Lens et puis qu'on voit le terri devant, l'effet n'est pas du tout le même. C'est un peu fondu dans le paysage, le terri du bassin de Provence. Du moins, c'est l'impression que j'en ai. Alors, on pourra débattre sur les aménagements en cours de ces terris. Comme j'ai l'impression d'approcher de la fin, Alors, c'est fermé depuis 2003. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Et qu'est-ce qu'on fait, et là je suis un peu dans le sujet, qu'est-ce qu'on fait de la galerie de la mer? Voilà. Il y a eu tout un débat en perspective de la fermeture, que je vous épargne, et je vous livre tout de suite les décisions qui ont été prises. La prise de la galerie de la mer, elle est environ à moins 600. D'accord ? Puis il y a une pente, c'est une très belle réalisation technique qui vous emmène jusqu'à... Alors moins 600, pas par rapport au niveau de la mer, hein, évidemment. Une pente qui vous emmène jusqu'à la mer. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a fait depuis... Alors, depuis 2003, on a arrêté de pomper. Donc, tout ce qui était en dessous, alors qu'il est... Moi, j'ai visité, mais c'était... je suppose que maintenant, ça y est, c'est remonté. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'on était descendu à moins 1200 aux extrêmes limites. Donc, tout ça, c'est plein d'eau, maintenant. Et ça coule par gravité naturelle. Alors, ça coule où? Ça coule dans la baie de Marseille. Là, on est... Saint-Louis-des-Égalades, on est dans ce qu'on appelle les quartiers nord, là, vous en entendez parler souvent. Hein. Enfin, on est à Marseille, et là c'est la mer, hein, c'est la baie de Marseille en bas. Voilà, alors ça coule. Je répondrai à vos questions, tout à l'heure j'ai répondu imprécisément, madame. Je vous prie de m'excuser. Vous avez vu que là il donne 14,8. Je vous ai répondu 14. Et d'ailleurs vous avez le détail de la déclivité. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc voilà, ça coule. Sort comment s'il y a... Alors, tenez, voilà l'état actuel. Hein. Donc ça coule là par le gros tuyau. Hein. Et ils ont alors qui s'occupe de ça? Pardon. Pour la partie galerie, c'est le BRGM maintenant. Pour la partie eau, il y a un partenariat avec la Société des Eaux de Marseille, si j'ai bien compris. Quel est le problème qui est posé? Alors, je vous signale que là, je fais une intrusion dans le débat politique pour les municipales, hein, de 2014. Donc, ne m'en demandez pas trop, parce que c'est évidemment parmi des mille choses qui peuvent être débattues sur la ville. Quels sont les problèmes? Alors, pour l'instant, pour ce que j'en sais, ils ont laissé le matériel lourd en bas. Hein. Les haveuses que vous avez vues, ou les soutènements marchands, n'allaient pas les remonter au prix de la ferraille. Donc c'est resté, donc c'est noyé. Bon, il paraît que c'est pas grave. Mais c'est vous qui savez, ça c'est pas moi. Ce qui est resté aussi, semble-t-il, c'est, alors dans l'histoire d'une exploitation quand même de deux siècles, il devait y avoir au moins des flaques d'huile, sinon des tonneaux. J'en sais rien, hein, j'espère que les ingénieurs du BRGM aujourd'hui maîtrisent la situation souterraine, mais enfin pleine d'eau. Voilà. Donc, ce que l'on m'a expliqué, c'est que pendant un certain temps, ça ne va pas être ragoûtant comme écoulement, mais que ça va s'arranger. Et que, non, mais c'est vraisemblable. Que, après, c'est de l'eau qui remonte, et qu'une fois qu'elle sera écoulée, tout ira bien. C'est vous qui savez, voilà. Alors, ça c'est mon enquête que j'ai poursuivie, et je suis revenu, alors sous un autre angle, à Combecave. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les exploitations de bauxite en carrière? Et là, alors là, c'est la question de Pierre qui m'embrasse, parce que moi je trouve ça un peu mystérieux. Il y a plusieurs situations, il faudrait faire un inventaire cas par cas, je ne l'ai pas fait, des mines de bauxite, enfin des carrières de bauxite. Certaines en sont complètement à l'abandon. C'est le cas de celle-ci. Mais il faut savoir que certaines sont orphelines. D'autres sont toujours propriétés des groupes. Alors là, je passe la litanie de Pechiney à aujourd'hui Rio Tinto Alcan, parce qu'ils ont eu l'obligation de garder des réserves stratégiques. D'autres sont encore propriétés des groupes, mais parce qu'il y a une instruction judiciaire qui court, hein. Et puis pour ceux qui sont amoureux des beaux bâtiments d'architecture en France, il y a l'abbaye de Tournai, et là, une carrière majeure est juste à côté, et ça fait 50 ans qu'il y a des contentieux entre l'exploitant et l'abbaye. Donc l'eau est remontée, il me semble, de façon complètement naturelle dans les carrières. Et la situation est très inégale. Alors là, je vous ai mis... ça, c'est la situation que j'ai remontée le plus souvent. C'est particulièrement spectaculaire parce que là, on est au Baux de Provence. En fait, on est là même où Berthier a identifié... Ça, c'est une manie d'historien. Identifié la bauxite. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en plus, je connais l'histoire de l'exploitant, là, parce que j'ai retrouvé l'archive, j'ai tout fait, etc. C'était un... C'était un marbre, hein. Et donc là, on est vraiment en cas d'une exploitation orpheline. Qu'est-ce qu'ont fait les élus locaux? Ben, moi, à leur place, je fais pareil. Hein. Je mets un panneau, danger, évidemment, rien n'est stabilisé, hein, sur les berges. Donc, c'est effectivement dangereux. Donc, danger, baignade interdite. Ça peut être marqué aussi pêche interdite, j'en sais rien. Bref, voilà, et alors là, donc c'est les alpilles que vous avez derrière, ça fait évidemment toujours frémir les gens. Alors, c'est pas complètement laid. D'autre part, je peux vous dire que quand j'y suis allé le week-end, les jeunes passent outre aux interdictions, c'est des lieux de rencontre, sympathiques. Voilà, alors, avant de passer à quelques éléments de conclusion, j'ai fini par. Une dimension, on m'a demandé de plancher sur l'histoire économique, sociale, environnementale. Bon. J'ai envie de dire, il y a la dimension patrimoniale. Hein. Alors, ce que vous voyez là, c'est le foudroyage d'une des exploitations de lignite. Hein. Il en reste, alors c'est du moderne, ça vous voyez quand c'est entubé dans du ciment. Il en reste. Un, c'est le Puymandat à Gardanne, et puis il en reste trois autres, Chevalement, ça c'est le Puy-Zède, hein, il y en a encore trois autres qui constituent des éléments du patrimoine industriel de l'histoire de l'exploitation de la lignite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que je viens de vous présenter? Je trouve que vous ne m'avez pas posé beaucoup de questions. Que ces deux exploitations ont eu des impacts, et j'enfonce une porte ouverte, sur les paysages. Avec d'une part les carrières, d'autre part les terris, et que j'ai envie de dire que les uns comme les autres font partie de nos paysages. Qu'est-ce qui reste comme impact gouvernemental? Environnemental, c'est lapsus, environnemental actif, j'ai envie de dire, c'est toutes les questions de la gestion de l'eau. Alors, je n'ignore pas qu'il y a d'autres débats, peut-être des débats à venir, simplement là, je n'ai pas des compétences comme historien pour les évoquer devant vous, notamment, je pense, aux perspectives d'exploitation du gaz de schiste, qui était un problème à la fois nouveau. Il y a une concession pour la zone de Gardanne, mais vous imaginez bien, avec le gisement de lignite, dont on est loin d'avoir exploité, il n'est pas épuisé, hein, le gisement. On l'a arrêté. D'accord ? Mais il y avait déjà un débat sur les remontées de gaz, il y avait toute une série de dispositifs qui avaient été pris par le BRGM, mais aussi par le charbonnage de France à la fin, enfin, etc. Bon, ce débat va-t-il rebondir et sous quelle forme avec la question de l'exploitation du gaz de schiste, là, j'arrêterai mon exposé en espérant avoir répondu à votre invitation et en espérant que vous me posiez des questions. Merci beaucoup pour votre exposé. J'espère qu'il y a des questions. On n'a pas osé peut-être vous interrompre, mais. Vous parliez de. Que reste-t-il de vestiges? Donc il y a ces carrières, mais elles ont l'air d'être dans leur état d'abandon d'ailleurs, en fait, les membres, les miniers, on leur demande de prévoir un après, et notamment ces carrières, il faut casser les côtés, enfin, il faut les sécuriser. Et ça peut venir de points d'eau, peu importe dans le plaisir. Complètement. Mais ça n'a pas été encore le carrière. Il faut des budgets pour en faire quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément dangereux si on fait ce qu'il faut. C'est... Pas du tout. Et puis, ça peut être très joli. Le milieu, la perception est complètement d'accord. Le problème, c'est qu'ils payent ces aménagements. Pour l'instant, mais là, c'est mon collègue juriste qui pourra répondre, il vient de sortir. Là, je suppose que la balle, la partie de ping-pong est entre les collectivités et les anciens propriétaires. Hein. Il y a des consensus qui courent, vous savez ça mieux quoi. Enfin, à Marseille, on a le tas de Bourrouge. À Saint-Louis, les Égalades, 7 hectares en plein centre-ville, neutralisé, ce qui fait 100 mètres de haut. L'exploitation a été arrêtée en 1968. La procédure court toujours. Donc, oui, je suis bien sûr que c'est ce qui paye. Que maintenant, pour moi, je travaille un petit peu avec des miniers actuels canadiens en Roumanie. Avant toute l'ouverture de nouvelles exploitations, ils sont tenus de prévoir l'après, de le budgéter, de mettre l'argent dans les banques en Suisse. Les Australiens ont été pionniers. C'est pas qui surveille ce qu'il faut, mais je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir des mines comme ça. Et on se demande s'il n'y a pas un fonds national européen qui est créé, qui va être créé, qui devrait être créé, je sais pas, pour réhabiliter, parce qu'il n'y a pas plein, il y en a partout, des activités minières développées du 20e siècle. Et il faut déjà la pollution, le paysage, tout ce qu'on veut, et il faut trouver des sous pour faire quelque chose. Alors ça, sur le déroulé de ce dossier, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des contentieux, par exemple. Parce que vous savez, quand on rachète une entreprise d'aluminium, comme ça a été le cas pour Pechiney, qui s'était racheté par Alcan, qui s'était racheté par Tinto, l'air de rien, on rachète aussi des ennuis. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, Rio Tinto a sur les bras la gestion des mines de bauxite de Pechiney. Et je peux vous dire, à tel point on est dans des situations contentieuses, que même moi qui suis censé être le pape des archives de l'alumine, là on m'a dit, oh là, on ferme momentanément les archives, parce que le seul souci, c'est le contentieux environnemental. Bien. Vous savez, quand on faisait ça en entreprise, quand j'ai commencé, la seule chose qui les embarrassait, c'était qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, ça n'intéresse plus personne. Alors, par contre, quel est l'héritage environnemental? C'est évidemment un problème. Alors, donc, il y a plein de choses en cours. Mais vous avez raison, en Australie, les nouvelles formes du code minier, c'est assez facile. Je suppose que quand on fait un projet d'ouverture, on doit déjà avoir préfinancé la fermeture. Peut-être. Mais c'est les pratiques européennes à couper. J'espère. On est dans ce cas-là aussi. Je suis quand même amie aussi. Maintenant, c'est une obligation. C'est là. Hein. Tant mieux. J'atteins mes limites. Après, qui contrôle? Parce que sur pareil, est-ce qu'ils le font tout à fait? Est-ce que l'argent est bien là où il doit être? Et sur la question de la réhabilitation, justement, les terrils reboisés, est-ce que vous savez un peu quand ça a commencé à être fait, s'il y a des associations qui ont milité pour ça, s'il y a eu des conflits autour, je ne sais pas, hein, je vous pose la question. Alors, c'est un sujet très politique, là aussi pour les municipales. Écoutez, j'étais très frappé de voir comment, je ne vais pas mettre d'étiquette comme ça. Hein, le principal opposant au maire sortant de Cardanne fait une réunion publique en disant il n'y a pas que le patrimoine industriel dans la vie. C'est pour vous dire que toutes ces questions, par exemple la question de gestion des terrils, c'est une foire d'emploi du tour. Alors la chronologie avant la fermeture, j'ai envie de dire, c'était les charbonnages de France. Je ne vais pas vous faire un exposé, j'ai peur d'avoir été trop long, je ne vais pas empiéter sur mes collègues juristes. Moi, j'ai travaillé sur le travail du charbonnage de France, et y compris sur le problème là, alors je n'ai pas tant travaillé sur la réutilisation des terrils que le problème de reconversion. Alors je vous le dis devant vous, ça je l'ai déjà écrit d'ailleurs, ils ont fait un boulot extraordinaire. À acheter des terrains en 1949, alors que tout le monde disait il faut du charbon, il faut du charbon, ils achetaient déjà les terrains en cachette, dans la perspective de créer une zone industrielle pour pouvoir reconvertir les mineurs. Ça n'a pas bien marché, mais il y a une capacité d'adaptation du charbonnage de France qui m'a vraiment impressionné en termes sociaux. Alors, est-ce qu'il y a eu cette même adaptation pour les terrils? Je ne pourrais pas vous dire. Depuis la fermeture, c'est devenu un objet de débat politique. Je sais qu'il y a eu plein de débats sur l'exploitation, par exemple, pour faire des pistes de jogging, des choses comme ça. Bon, il y a actuellement une polémique sur l'idée de mettre des panneaux solaires sur un terri. Voilà. Mais très honnêtement, je ne vous répondrai pas sur le détail. Grâce à vous, je deviens un peu un historien de l'environnement, mais j'ai le cas. Justement, en comparaison avec le Nord-Pas-de-Calais, ces régions, est-ce que vous voyez une différence? Alors, là, je peux vous répondre simplement, c'est qu'il y a une question d'échelle. Honnête, alors, il y a deux choses à dire. D'abord, c'est un petit bassin. Au Nord-Pas-de-Calais, à l'apogée, il y avait 250 000 mineurs. Dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais, moi, c'est 6 000. Alors, qu'est-ce que je vous réponds par là? Alors, bien sûr, si j'étais face au porteur de la mémoire CGT à Gardanne, je me ferais assassiner. Mais qu'est-ce que je vous réponds? C'est qu'il se trouve que d'abord c'était moins important, je veux dire. Et puis, je vais vous dire aussi quelque chose qui va vous étonner. Il y a la Provence, il y a des zones d'expansion. Et même le chômage va mieux qu'ailleurs. Enfin, il y a des activités en Provence. Par exemple, l'endroit là où je vous ai dit l'eau coule toujours depuis la concession de l'Arc, il y a une zone industrielle où on fait de la microélectronique. Il y a 7000 emplois aujourd'hui à Extrémy, autour de l'ex-TGV. Il y a 10 000 emplois de tout ça. Donc si vous voulez, on n'est pas dans la même situation que les gens de Lens, où il n'y avait que ça et où il n'y a pas encore autre chose à part le loup, bien sûr, mais enfin, donc je pense que ça parle les mêmes enjeux mémoriels, et puis ça parle, c'est ma petite remarque, c'est aussi du point de vue des paysages, ça fait pas du tout le même effet de terri au milieu des collines calcaires provençales. Donc je dirais que les enjeux sont beaucoup moindres. La page est, enfin je ne vais pas dire. Est-ce qu'ils sont inscrits directement? Non. Non, il n'y a pas les choix. Ah, les terris du bassin de Provence. Alors, la mairie de Gardanne en a racheté, a fait à l'euro symbolique. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je sais que la mairie de Gardanne s'est fendue de 3 euros. Donc, je ne pas récupérer le terrain dessous, peut-être. Non. Je ne crois pas qu'il y ait de procédure de classement au patrimoine mondial. Même pas, je ne crois pas. Une autre question? Oui, c'est une question sur les paysages, mais cette fois-ci du point de vue de l'air. De l'air, de l'atmosphère. Le liquide, donc vous avez dit qu'il était utilisé avant, qu'il ne soit utilisé que pour la centrale thermique, aussi pour le chauffage des particuliers, pour une utilisation industrielle. Alors, est-ce qu'il y a des sources dans les archives, des documents qui parlent de la pollution atmosphérique qui serait causée par ce lignite, qui a une teneur en soufre et qui est plus autre polluant teneur que d'autres charbons? Ouais, okay. Voilà. Il en existe sans aucun doute. Je n'ai pas, pour ma part, travaillé en termes d'archives sur ces questions. Mon collègue Xavier Demalin peut-être aura des éléments de réponse sur cette question précise. J'ai envie de vous dire que par contre, la situation de la pollution atmosphérique se dégrade dans cette région, hein, et qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est pire que aux années 60, mais c'est une hypothèse. Alors, il existe, pour vous faire une réponse un peu plus quand même intéressante pour vous, le CNRS a financé une structure que vous connaissez peut-être, un observatoire au milieu du bassin de Provence. Ils ont un site, ça s'appelle le HM Bassin de Provence. J'y ai collaboré un certain nombre de fois avec eux. Et là, ils mettent en ligne toute une série d'études extrêmement bien faites, très pointues, où ils dévoilent des controverses sur les questions environnementales et sur l'historique. Ils ont notamment un système de SIG remarquablement bien fait. Vous avez parlé d'un site dans l'Hérault qui est exploité. Il reste, oui, une exploitation qui est une merveilleuse aventure humaine. Alors, évidemment, ça n'a plus aucun sens économique, mais elle utilise des handicapés mentaux graves et du coup, ça, alors, c'est complètement subventionné, mais ils extraient de la bauxite. Le monsieur qui fait ça, à juste titre, est tellement content qu'il a fait un livre. C'est un endroit, qui est l'héritage du bassin au nord de Montpellier. Mais il y a une exploitation à but humanitaire. Minuscule. Merci. Oui.